Voici votre bulletin régional. À compter du 17 février, à la bibliothèque de Saint-Isidore de Clifton, vous pourrez emprunter de nouveaux livres venant du réseau des bibliothèques de Sherbrooke, romans, livres audio, livres large vision, CD-ROM, etc. Le 19 février, la table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à une conférence sur l'Alzheimer et les maladies neurodégénératives présentée par Mme Nathalie Auger au Centre communautaire du manège militaire de Bury. Le tout débute à 9h30. Pour information, 819-832-4961, poste 1342. Pour les femmes, rencontre Femmes vers le haut, le 19 février, dès 9h30, à Skestown. Téléphonez pour confirmer votre présence et connaître le lieu de la rencontre. À Mylène Vincent, 819-570-1134. Le 19 février, souper de la Saint-Valentin pour les membres du club de l'âge d'or de Saint-Isidore de Clifton à la place Oakland. Information, Léonie Labbé, 658-21-79. À Istinguis, le 19 février, super bingo du jeudi soir à 19h à la salle des Chevaliers de Colomb. Possibilité de 1 300 $ en prix. Information 819-832-3454.